عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، avant que je commence le cours, Inch'Allah, hier, il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur le divorce à l'amiable, le fait d'aller au tribunal pour faire un divorce à l'amiable. J'avais commencé à répondre, mais j'ai été interrompu. Donc je vais, Inch'Allah, finir cette réponse, et ça, à moins que vous préférez qu'on commence le cours directement. On demandait donc hier, est-ce que le fait de faire le divorce à l'amiable au tribunal, qu'est-ce que c'est le statut de faire le divorce à l'amiable au tribunal? Donc j'avais commencé à dire que le tahakkum ila at-taghut, c'est du shirk akbar. D'accord, c'est du shirk akbar. Du grand polythéisme, de la grande association. C'est adorer un autre qu'Allah Azzawajal. Parce que le shirk, comme nous l'avons vu, Salah, si c'est possible de mettre des raids à ceux qui disent des choses inutiles, Inch'Allah. Restons zen, Abou Islam, Inch'Allah. Restons calme, Inch'Allah. Donc, le tahakum, comme je dis, c'est du shirk. Quand c'est fait vers le tarout, lorsque c'est recourir à la justice du tarout, c'est du shirk. En effet, on avait vu dans le cours de hier que le shirk, cela signifie accorder à un autre qu'Allah ce qui n'appartient qu'à Allah uniquement, que ce soit un droit ou un pouvoir. C'est-à-dire un droit qu'Allah est le seul à mériter, c'est-à-dire l'ibada et toutes ses catégories. L'ibada, c'est le nom d'une espèce de chose qui a plusieurs formes. D'accord, l'ibada, c'est le nom d'une chose qui a plusieurs formes. Ça, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. L'ibada, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. C'est l'uluhiya. Et le pouvoir, quand je dis le pouvoir d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les fonctions d'Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah Azza wa Jal fait, ses œuvres, ce qu'on appelle af'alur rabb, c'est-à-dire c'est la rububiyya. Le shirk, c'est le fait d'accorder à un autre qu'Allah Azza wa Jal quelque chose de la rububiyya, de la uluhiya. Parmi les choses qui n'appartiennent qu'à Allah Azza wa Jal uniquement, il y a le hukm. Allah Azza wa Jal a dit Allah Azza wa Jal a dit قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. Allah Azza wa Jal donc a dit dans sourate 6 verset 164, dit: chercherai-je un autre seigneur qu'Allah alors qu'il est le seigneur de toutes choses, chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Jusqu'à la fin du verset. Et Allah Azza wa Jal a dit, sourate 7, verset 140, قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, dit, chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures. Sourate 7, verset 140. Et Allah Azza wa Jal dit, sourate 6, verset 114: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. C'est-à-dire, dit, chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé. Donc nous avons dans ces trois versets ici, le premier, chercherai-je un autre seigneur qu'Allah, dans le deuxième, chercherai-je une autre divinité qu'Allah, et dans le troisième, chercherai-je un autre juge qu'Allah. Le premier verset nous montre ici l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jal parle du tawhid al-uluhiyya, chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah. Et dans la troisième, Allah Azza wa Jal nous parle du tawhid al-hakimiyya, chercherai-je un autre juge qu'Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous m'entendez toujours? Lorsque je dis tawhid al-hakimiyya, je n'entre pas, évidemment pas dans la question, est-ce que l'Hakimiyya c'est une troisième partie du tawhid ou non. Je dis juste uniquement, alaykoum salam, que Allah ici nous a annoncé qu'il est le seul juge, car il a dit أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Chercherai-je un autre juge qu'Allah alors que celui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé. Ceux qui nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point au nombre de ceux qui doutent. Et Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Et il n'associe, donc Allah n'associe personne à son jugement. Sourate 18, verset 26. Et Allah Azza wa Jal a dit فلا ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم. C'est-à-dire, et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Il n'y a de vrai Dieu que lui. Tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et Allah Azza wa Jal a dit, surat 42, verset 10. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. C'est-à-dire, sur toutes vos divergences, sur toutes vos disputes, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur, en lui je place ma confiance, et c'est à lui que je retourne repentant. Sourate 42, verset 10. Ibn Kathir a dit au sujet de ce verset que nous venons de citer, يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبرا أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير ثم قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أي مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء فحكمه إلى الله أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم الله ربي أي الحاكم في كل شيء عليه توكلت وإليه أنيب أي أرجع في جميع الأمور. C'est-à-dire, Allah, qu'il soit sanctifié, condamne ici les idolâtres pour avoir pris des divinités en dehors d'Allah, et annonce que c'est lui le maître, qu'il est le seul et unique qui vaut d'être adoré, car il est capable de faire vivre les morts et capable de toutes choses. Puis Allah a dit, sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah, c'est-à-dire, quelle que soit la chose sur laquelle vous vous disputez. Et ceci concerne absolument toutes choses, le jugement appartient à Allah. C'est-à-dire, c'est lui qui en est le juge par son livre et la sunna de son prophète. Alayhi salatu wa salam. C'est comme lorsqu'il dit, si vous voulez, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous vous disputez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Tel est Allah mon Seigneur, c'est-à-dire le juge dans toutes choses. En lui je place ma confiance et c'est à lui que je retourne repentant, c'est-à-dire je reviens à lui dans toute affaire. Et ces versets, tous ces versets furent révélés à la Mecque lorsque les musulmans n'avaient aucune autorité dans la terre où ils vivaient et n'avaient aucune terre d'islam, et ils étaient opprimés par les mécréants de Quraysh, qui les boycottaient, qui les insultaient, qui torturaient certains. Pourtant Allah déjà leur révélait que le jugement n'appartient qu'à lui et que dans toutes leurs disputes c'est Allah qui est le juge. Maintenant que nous savons cela, nous savons aussi qu'Allah Azza wa Jal, dans la sourate médinoise, révèle le verset sourate Nisa: Alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir foi en ce qui t'a été révélé, ce qui a été révélé avant toi, et qui veulent recourir au jugement du Tahout, alors que c'est en lui qu'on leur a ordonné de ne pas croire, de ne pas avoir foi, de mécroire, de désavouer. Mais le diable les égarait très loin dans l'égarement. Ce verset nous montre ici que le Tahakum ila Tahout invalide le désaveu de ce même Tahout. Allah nous annonce dans ce verset qui a été révélé à Médine que ceux qui recourent au jugement du Tahout nous montrent par là que leur prétention de foi n'est que mensonge. Et Allah Azza wa Jalla nous dit وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, alors qu'il leur avait déjà été ordonné de le désavouer. C'est-à-dire وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فِي مَكَّةِ. Déjà à la Mecque on leur avait ordonné de désavouer ce Tahout et de ne pas y recourir. Ceci nous montre donc la fausseté de celui qui prétend que le Tahakum ila Tahout ce n'est que du shirk si on se trouve dans un endroit où la loi islamique existe déjà, mais que si on se trouve dans une terre de mécréance où il n'y a pas de tribunal islamique, il n'est pas alors une adoration du Tahout que de recourir à son jugement. Mais le problème, c'est que maintenant qu'on sait que le Tahakum ila Tahout est du shirk, il serait peut-être bien de comprendre exactement qu'est-ce que c'est le Tahakum, afin de ne pas confondre le Tahakum avec autre chose qui n'est pas du Tahakum. Car lorsqu'on confond le shirk avec quelque chose qui n'est pas du shirk, eh bien lorsqu'on va voir quelqu'un commettre ce qui n'est pas du shirk en croyant que c'est du shirk, on va injustement le bannir de l'islam. Et même si nous partions de l'hypothèse que c'est par ijtihad et par effort de justice qu'on l'a banni de l'islam, une chose est sûre, c'est que lorsque vous bannissez un musulman de l'islam, même par erreur, si Allah vous pardonne, ce musulman lui par contre c'est pas dit qu'il va vous pardonner. D'accord ? Donc il faut bien faire attention, être sûr que l'on sait exactement de quoi on parle. Donc le tahakum amin ou mulyas amin ajma'in le tahakum, c'est-à-dire demander, recourir au hukm. Et al-hukm en arabe, cela signifie à la base dans la langue arabe al-man', c'est-à-dire l'empêchement ou l'interdiction. Cela signifie al-qada, le décret, la décision. C'est-à-dire que lorsque le jugement, le hukm a été rendu sur une chose, il est interdit de contredire ce jugement. Par exemple, lorsqu'on dit le juge a décrété la prison à un tel, cela signifie que cette personne, elle, doit aller en prison et c'est tout. Il n'a pas le droit de choisir. D'accord ? Il sait hakam, il a tranché, il doit aller en prison et c'est tout. D'accord ? Ça c'est le sens du hukm. Allah Azza wa Jalla a dit: Wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Sourate 13 verset 41. Wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. La mu'aqqiba li hukmihi. Personne ne peut s'opposer à son jugement et il est prompt à régler les comptes. C'est-à-dire, il réglera vite les comptes. Ceci est la sifat d'Allah Azza wa Jal, al-hakam, al-huk, al-hakim. Lahu al-hukm. Inna Allah huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm. La mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Allah est le juge. C'est lui le juge, le grand juge, et c'est à lui que revient le jugement, et nul ne peut s'opposer à son jugement. Lorsque quelqu'un prend un autre qu'Allah pour juge, c'est-à-dire qu'il prend un autre qu'Allah comme étant celui à qui on demande de trancher et à qui on accorde ce pouvoir de trancher et de ne pouvoir être contredit sur son jugement. Mais au contraire, l'obéissance à ce jugement est obligatoire, est imposée, pas de choix. On n'a pas le choix. Le tarout, c'est celui qui juge à l'encontre de, par des lois, à l'encontre de la loi d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire celui qui se réfère à une législation autre que celle d'Allah Azza wa Jal. Et qui l'impose. Ceci est le tahakum ila tarout. Le tahakum, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une dispute entre deux personnes. Lorsqu'il n'y a pas de dispute, en général, on ne parle pas de tahakum. Et parmi les preuves de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla a dit: si vous vous disputez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous avez foi en Allah et au jour dernier, ceci est mieux pour vous et d'une meilleure interprétation. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir eu foi en ce qu'il t'a été révélé, ce qui a été révélé avant toi, et qui veulent recourir au jugement du Tarout? Et Allah Azza wa Jalla a dit: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire, non par ton Seigneur, ils n'auront pas de foi tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge de leur dispute. Donc le tahakum se passe généralement lorsqu'il y a une dispute entre deux ou plusieurs personnes. Ça, c'est donc il y a deux personnes qui sont en conflit ou plus et qui veulent que quelqu'un tranche de leur conflit et décide qui a la raison, qui a tort, qui a raison, qui a tort, qui est fautif et qui a son droit. Ceci est le tahakum, al-fasl, le fait de trancher, de demander à un autre qu'Allah Azza wa Jal de trancher d'après autre chose que le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Et Allah Azza wa Jal a ordonné dans les versets qu'on a cités de prendre son messager pour juge lors de nos disputes. Et Allah Azza wa Jal a exposé que la foi repose sur ça, que sans, donc c'est-à-dire sans cela, la foi n'existe pas. Et cela nous prouve aussi que le recours, le tahakum, le recours au jugement d'Allah est une adoration et une condition de validité de la foi en Allah et au jour dernier. Si c'est une adoration, alors celui qui l'avoue à un autre qu'Allah est un mushrik. Et si c'est une condition de validité de la foi et au jour dernier, alors celui qui ne remplit pas cette condition n'a pas de foi en Allah et au jour dernier. Ceci pour le tahakum. Ensuite vient la question de ce qu'on appelle la conciliation. Et c'est là que entre le problème du divorce à l'amiable. La conciliation en arabe, sulh. As-sulh, Allah Azza wa Jalla nous en a parlé dans le Coran, c'est-à-dire faire le fait de faire la paix. D'accord ? Allah Azza wa Jalla en a parlé dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. C'est-à-dire, et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure. C'est-à-dire, puisque les âmes sont portées à la laderie. Abdurrahman al-Sa'di a dit dans l'interprétation de ce verset: on peut tirer de la globalité de ce terme et de son sens large que le fait de faire la paix entre deux personnes qui se disputent dans quoi que ce soit est mieux que si chacun court après son droit, car cela permet la conciliation et l'amitié et le pardon. Et ceci est permis dans toute chose, sauf si l'on permet ce qu'Allah a interdit ou qu'on interdit ce qu'Allah a permis. Car dans ce cas, ce n'est plus une conciliation, mais bien une oppression. Allah Azza wa Jalla, Abdurrahman Sa'di, je vais citer en arabe: wa yu'khadhu min 'umumi hadha al-lafz wal-ma'na anna as-sulha bayna man baynahuma haqqun aw munaza'a fi jami' al-ashya' annahu khayrun min istiqsa' al-kull minhuma 'ala kulli haqqihi. بما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا. القرطبي dit aussi dans le tafsir de ce verset: قوله تعالى والصلح خير لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق، ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته في مال أو وطأ أو غير ذلك. C'est-à-dire, la parole d'Allah, qu'il soit sanctifié, la conciliation est meilleure, est un terme global et absolu qui implique que la conciliation réelle, qui apaise les âmes et qui fait cesser les disputes, est absolument meilleure. Et ceci inclut toute chose où il est possible de faire la paix entre un homme et une femme, que ce soit sur une question d'argent, de sexualité ou autre. Et même Shawkani, dans Fath al-Qadir, dans l'interprétation de ce verset, volume 2, page 123: وقوله والصلح خير لفظ عام يقتضي أن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق أو خير من الفرقة أو من الخصومة. C'est-à-dire, sa parole, la conciliation est meilleure, est un terme global qui implique que la paix qui apaise les âmes et fait cesser la dispute est absolument meilleure que la séparation et la dispute. Et dans l'épreuve de la sunna, le prophète alayhi salam félicita celui qui faisait l'arbitre entre les gens lors de son paganisme pour les réconcilier. Abu Daoud al-Nasa'i rapporte qu'Abu Shuraih radiallahu anhu raconta qu'il était surnommé Abu al-Hakam, ce qui signifie le père des juges. Le prophète alayhi salam lui a dit: Inna Allah huwa al-Hakam wa ilayhi al-Hukm. Seul Allah, c'est Allah le seul juge, et c'est à lui que revient le jugement. Alors Abu al-Hakam lui expliqua que il dit: mon clan m'a surnommé ainsi car ils avaient l'habitude de solliciter mon arbitrage en cas de litige et d'accepter la décision que je leur proposais. Le prophète a dit alors: ma ahsanu hadha, c'est-à-dire quelle bonne chose que cela. Cela prouve donc qu'il est une bonne chose que de prendre un arbitre pour réconcilier deux parties, et que ceci n'est pas un tahakum, et ce n'est pas considéré comme un jugement, ce n'est pas un hukm. Lorsque un arbitre fait la paix et réconcilie deux personnes, on ne dit pas qu'il a tranché de la dispute, car c'est une conciliation qui convient aux deux parties, c'est quelque chose à l'amiable, c'est-à-dire trouver une solution qui met tout le monde. Je pense que ce n'était pas Abu Jahl, Abu al-Hakam. Abu Jahl ne s'est jamais converti à l'islam, le missionnaire. Abu Jahl est mort et il est maudit à tout jamais et éternellement en enfer. Alayhi la'natullah. C'était un des plus grands ennemis des musulmans. Donc je continue. Ici, Abu al-Hakam, Akhi, il s'agit de Abu Shuraih, qui a été, il a été resurnommé par le prophète Aïssa A.S. par Abu Shuraih. D'accord. Donc, le al-Hakam, le sulh, donc la réconciliation, ce n'est pas un hukm. On n'appelle pas ça du hukm. Ce n'est pas le sens de hukm que nous avons défini, et cela ne s'appelle pas du tahakum. Car lorsqu'on fait la paix entre deux personnes qui sont en conflit, on n'impose pas une décision, on ne tranche pas de la dispute, on ne dit pas qui a raison et qui a tort, mais on essaye de trouver une solution qui convient à tous les deux. D'accord ? Je souligne aussi le fait que certaines personnes se basent sur le même hadith que je viens de mentionner pour prétendre que ce hadith prouve la permission de faire le tahakum ila tarut. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le sens de... Parce qu'ils disent donc qu'il s'appelait Abu al-Hakam, et al-Hakam c'est le juge. Mais il faut savoir que le sens ici de al-Hakam, ce n'est pas le juge en tant que celui qui tranche des conflits. Mais il faut plutôt l'entendre comme dans le verset où Allah Azzawajal dit وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. C'est-à-dire, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas un juge, c'est celui qui vient réconcilier. Et Abdurrahman ibn Hassan Ali Sheikh dit dans Fath al-Majid, page, donc le Sharh Kitab Tawhid, page 432-433, au sujet de ce hadith. وقوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحري للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا وهذا هو الصلح لأن مداره على الرضا لا على الإلزام ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. C'est-à-dire, Abdurrahman ben Hassan al-Sheikh a dit au sujet de ce hadith, lorsqu'il dit mon clan m'a surnommé ainsi car ils avaient l'habitude de solliciter mon arbitrage en cas de litige et d'accepter la décision que je leur proposais, le prophète dit alors quelle bonne chose que cela. Cela signifie, et Allah demeure le plus savant, qu'Abu Shuraih était connu dans son clan pour être quelqu'un d'équitable et qui cherche à être juste entre les gens et connaissait ce qui satisfaisait les deux adversaires en cas de dispute. Or ceci est la conciliation, le sulh. Car l'objectif était de satisfaire et non d'imposer. Et attention, retenez bien ça. Si jamais c'était le but était d'imposer, ça aurait été un hukm. Mais ici, ce n'est pas le but d'imposer, de faire le hukm, mais c'est le but de satisfaire, de faire à l'amiable. Et non pas comme le faisait... Ensuite, Abdurrahman ben Hassan continue, il dit « Et non pas comme le faisaient les devins et les gens du livre, juifs et chrétiens, ni en se référant aux lois inventées par les chefs et ancêtres païens qui contredisent le Coran et la Sunna, comme on le voit beaucoup de nos jours. C'est comme ce que font les Tawarites qui ne se préoccupent du jugement d'Allah ni du messager, mais ne se basent dans leur jugement que sur leurs désirs et leurs propres avis. » Fin de citation. Dès lors, la conciliation n'entre pas dans le domaine du tahakum. Le fait de demander à quelqu'un de te concilier, de te réconcilier avec quelqu'un n'est pas du tahakum. Et ceci, que ce soit une demande faite à un musulman ou à un mécréant. Le fait de demander à un mécréant de te réconcilier avec un musulman ou avec quelqu'un, ce n'est pas un tahakum. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque le prophète والسلام, avait félicité ce que faisait Abu al-Hakam, donc Abu Shuraih, dans sa jahiliya, lorsqu'il n'était pas musulman. Donc le fait de demander à un kafir de te réconcilier ou de t'aider à trouver un arrangement à l'amiable avec quelqu'un n'est pas un tahakum. Cela n'entre pas dans le verset « Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut ». Et je profite donc de cette occasion pour exposer quelque chose. Il faut savoir qu'en France et en Belgique, il y a parmi les différents juges qui sont des tawarit, il y a ce qu'ils appellent le juge de paix et la justice de paix, mais aussi certaines administrations comme le prud'homme. Vous devez savoir que parmi les fonctions de ces juges, de cette justice dite, de cette dite justice de paix et du prud'homme, il y a la conciliation. C'est d'ailleurs chez prud'homme la première étape en cas de litige, c'est la conciliation, ce qui consiste à trouver un commun accord entre les deux parties en désaccord. Et ceci n'est pas un tahakum. La définition de la justice de paix, comme ils se définissent eux-mêmes, c'est la justice de paix définit la conciliation comme étant, ils disent, la conciliation fait partie des modes alternatifs de résolution des conflits. Elle consiste dans l'intervention d'un tiers qui, après avoir écouté les parties et analysé leur point de vue, leur propose une solution pour régler leurs différends. Ce qui la distingue de la médiation, laquelle reste un accompagnement, et de l'arbitrage qui est contraignant. Les parties sont naturellement libres d'accepter ou de refuser. Le recours à un conciliateur est donc libre. Ça, c'est la définition de la conciliation d'après la justice de paix. Donc, le fait de faire un divorce à l'amiable, même si cela se passe devant un dit juge, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, al-ibra bil haqa'iq wa la bil asma. Si jamais ils appellent le conciliateur, ils lui donnent le nom de juge, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que fait réellement ce dit juge. Est-ce qu'il tranche entre les deux, ou bien est-ce qu'il il les aide à trouver une solution qui satisfait tout le monde? Si jamais il essaye de trouver une solution qui satisfait tout le monde, ce n'est pas un hukm, mais c'est un sulh. Et si jamais, par contre, il tranche et il décide qui a raison et qui a tort, d'accord, et qu'il condamne ou qu'il donne raison à un tel ou tort à un tel, ceci est un tahakum. Et il est obligatoire de désavouer cela. C'est pourquoi le simple fait, et Allah est plus savant, ce serait vraiment bien si on pouvait se renseigner exactement de qu'est-ce qui se passe lors d'un divorce à l'amiable. Mais si le divorce à l'amiable, c'est uniquement donc aller devant un juge pour aider à trouver une solution qui satisfait tout le monde, sans que cela se réfère à une loi, mais que c'est uniquement sous référence de ce qui satisfait l'homme et la femme, donc du couple, ceci est un sulh. Et le sulh est permis, sauf si on y rend halal ce qu'Allah a rendu haram, ou sauf si on y rend haram ce qu'Allah a rendu halal. Et si jamais on y rend halal le haram, ou qu'on le rend haram le halal, à ce moment-là, ce n'est plus un sulh, ce n'est pas une conciliation, mais c'est une injustice, un jawr. Voilà, c'est ce que je peux répondre concernant le divorce à l'amiable. Et Allahu a'lam. Et j'avais personnellement interrogé Cheikh Abu Mariam al-Mukhlif au sujet d'aller chez un juge de paix pour faire une conciliation. Est-ce que cela rentre dans le tahakum et la tarout? Le Cheikh a dit, si c'est une conciliation, ce n'est pas du tahakum et la tarout. Ce n'est pas si jamais c'est un kafir qui le fait, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Le prophète ﷺ avait loué Abu Shuraih de ce qu'il faisait dans sa jahiliya. Il n'était pas musulman à l'époque. Et le fait de prendre un kafir pour faire le sulh, ce n'est pas du kufr. Je n'ai aucun dalil me prouvant que c'est du kufr, parce que le kafir ici ne juge pas. Il essaye de trouver une solution pour tous les deux. Et ce n'est pas un tahakum. Est-ce que la réponse était claire? C'est pas forcément avec des lois. Si jamais le sulh si dans ce sulh on se réfère à des lois, ce n'est plus, à ce moment-là, ce sera quelque chose d'imposé, d'accord? Les lois, ils vont te les imposer. Si jamais il se réfère à des lois lors de ce sulh, ce n'est plus un sulh, ce n'est plus une réconciliation. La réconciliation, c'est un arrangement qui arrange l'homme et la femme, c'est pas en se référant à une loi. Leur loi, non, ce n'est pas forcément avec une loi qu'ils font une conciliation. Et je te conseille, je te propose, Hantala ala Mouahid, de te renseigner sur qu'est-ce qui se passe exactement lors d'une conciliation en justice de paix. Juste pour être, je le dis ici, si jamais il est prouvé que lors des conciliations il y a un jugement qui est rendu, c'est-à-dire qu'il y a que le juge de paix tranche et que à ce moment-là ce n'est pas une conciliation mais qu'on impose une décision, alors là j'interdis évidemment à tout musulman de le faire, c'est du tahakum si jamais il y a quelque chose d'imposé. Et autre chose que je souligne, c'est que il y a quand même un gros danger d'aller faire une conciliation. C'est quoi le danger d'aller faire une conciliation? C'est qu'en général, si la conciliation n'aboutit pas, le juge automatiquement va trancher. Si jamais les deux parties... Non, la conciliation, il n'y a pas de tranchage. C'est dès que les deux parties sont d'accord, c'est bon, le problème est réglé. Si jamais les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, à ce moment-là, c'est le juge qui prend... le contrôle, on va dire, entre guillemets. C'est lui à ce moment-là qui dit, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est moi qui vais décider. Et si jamais c'est le juge qui se met à décider, ça se transforme en tahakum à ce moment-là. Et à ce moment-là, il est obligatoire aux musulmans de désavouer tout de suite ce qui est en train de se passer, de cesser toute la procédure. Et c'est un gros danger, évidemment, de faire une conciliation, mais étant donné que l'acte de conciliation en soi n'est pas du shirk, on ne peut pas juger apostat celui qui fait de la conciliation, tant qu'il n'a, même si le danger est que cela finisse par aboutir à cette conciliation, à ce tahakum, pardon. Même s'il y a un danger que cette conciliation finisse par devenir du tahakum. Mais il va de soi que si le musulman se trouve en daroura, par exemple en cas de grosse nécessité, et que il ne voit pas d'autre solution pour récupérer un bien que conciliation, il a le droit, en cas de daroura, de recourir à cette conciliation tant que ça ne devient pas du tahakum. Si cela devient du tahakum, il lui est interdit, sur quelque prétexte que ce soit, de poursuivre. Il doit au contraire se désavouer. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Est-ce que ce que j'ai dit était clair? Est-ce que quelqu'un a une objection ou quelque chose que j'ai dit qui lui aurait paru faux? Inch'Allah, on va essayer de poursuivre le dars de hier, Inch'Allah, s'il n'y a personne qui a quelque chose à demander. Abu Mus'ab. Le fait de signer là ou Abadan. Wallah, Abu Mus'ab, sur ce sujet-là... il y a eu une sorte, je veux dire, de divergence entre les différents frères. Écoutez, moi, ce problème, j'en avais discuté avec Cheikh Abu Mariam également. Tout le problème, et je n'impose à personne de croire que j'ai raison ou autre, mais le problème de la signature, nous savons que le fait de signer un contrat qui contient du kufr ou du shirk, c'est de l'apostasie. Mais est-ce que vous pouvez dire, par exemple ici, pourquoi est-ce que c'est de l'apostasie de signer un contrat? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que c'est de l'apostasie de signer un contrat? Vous pouvez écrire les réponses si vous avez. Pourquoi est-ce que quand je signe un contrat où il y a du shirk, je deviens un apostat? Oui, non, l'action. Mais pourquoi est-ce que cette action de signer me fait sortir de l'islam? Car c'est de l'acceptation. J'ai accepté. Vous êtes d'accord avec moi que le fait de signer, ça signifie la même chose. C'est une expression. C'est un moyen d'exprimer son accord. D'accord ? Quand je signe, ça veut dire j'exprime mon accord par cette signature. C'est comme si j'avais rien signé, mais que j'avais dit je suis d'accord. D'accord ? Signer, ça signifie je suis d'accord par écrit, par un signe. On fait un signe comme ça sur sa feuille, et ce signe là, ça signifie je suis d'accord. Et c'est là toute la question. Si jamais la signature est un mode d'expression, est une manière d'exprimer quelque chose, alors il y a une règle en islam. Il y a une règle en islam qui est que il est permis en cas de nécessité et non en cas de contrainte de faire des choses ou de dire des choses qui ne sont pas claires. Je donne un exemple, comme c'est arrivé dans le hadith rapporté par Al-Bukhari entre autres, et que Al-Hafidh ibn Hajar en parle dans Fath al-Bari, lorsque le sahabi, d'ailleurs les égarés se servent de ce hadith pour prétendre qu'on peut faire du shirk en cas de nécessité. Un instant, j'arrive, salam alaykoum, j'arrive. Que celui qui voulait tuer Ka'b ibn al-Ashraf, le prophète alayhi salatu wasallam l'avait permis de dire quelque chose pour qu'il le laisse approcher ce Ka'b ibn al-Ashraf, et ce sahabi, lorsqu'il est arrivé, il leur a dit une parole, je ne sais plus exactement, mais du genre, il leur a dit j'ai quitté Mohammed, il nous a fatigué, d'accord, et je vous annonce une nouvelle qui va vous réjouir, c'est que les musulmans se sont fait battre. D'accord, il nous a lassés, voilà. Et donc il a dit ces mots-là. Alors ces mots-là, ce sont des mots qui en réalité ne sont pas clairs. Lorsqu'il dit j'ai quitté Mohammed, même si le prophète lui a permis, cette parole-là n'est pas du kufr en fait. Ce qu'il a dit, ce sahabi, ce n'est pas du kufr. D'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'il dit j'ai quitté Mohammed, cela sous-entend deux choses. Soit cela sous-entend j'ai quitté sa religion, et ceci est du kufr. Soit cela sous-entend je l'ai quitté, c'est-à-dire je me suis séparé de lui, il était à Médine et moi je l'ai quitté. D'accord ? Je suis venu ici, donc j'ai quitté le prophète. D'accord ? Donc c'est un mot à double sens. Quand il a dit il nous a lassés, cela signifie deux choses aussi. Cela peut signifier deux choses. Soit ça veut dire on en a marre de lui, et ça c'est du kufr. Soit ça veut dire il nous a lassés, c'est-à-dire à cause des batailles et des guerres qu'on a fait. Je vais venir à la double signification de la signature. Je ne parle pas de la double signification de la signature. Il a dit il nous a fatigués, c'est-à-dire soit il nous a fatigués, on en a marre de lui, ça c'est du kufr. Soit il nous a fatigués à cause qu'on s'est beaucoup battu, qu'on a beaucoup fait la guerre, et bien à cause de ça on s'est retrouvé fatigué, et ceci n'est pas du kufr. Et le fait de dire que le prophète s'est fait, ou que les musulmans se sont fait battre, ceci est un mensonge. Et le fait de mentir n'est sur le prophète est du kufr. Ou bien, c'est pas du kufr, cela dépend de si ce mensonge se rattache à la religion du prophète ou si cela se rattache à la personne du prophète, alayhi salatu wasalam. Si jamais quelqu'un ment sur la religion du prophète, alayhi salatu wasalam, et prétend que le prophète, alayhi salatu wasalam, a fait telle ou telle loi, c'est du kufr akbar. Mais si jamais le fait de mentir, par exemple le fait de dire le prophète, alayhi salatu wasalam, a été malade pendant 30 jours ou des choses comme ça, ce n'est pas du kufr. Imaginons que c'est pas vrai que le prophète a été malade pendant 30 jours, mais que quelqu'un il dise le prophète a été malade pendant 30 jours, ce n'est pas du kufr. Et le fait de dire le prophète ou les musulmans se sont fait battre, c'est un mensonge, mais ce n'est pas du kufr. Ce qui est du kufr, c'est de mentir sur le prophète, c'est-à-dire sur lui attribuer des lois et des choses religieuses qui ne sont pas vraies. Parce que ceci rentre dans une sorte de tachri, c'est une forme de changement de la religion. D'accord ? Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Donc, ce compagnon, Mohammed ibn Maslama, il n'avait pas dit quelque chose qui soit du kufr clair. Mais les mots qu'il a utilisés dans le contexte où ça s'est retrouvé, le premier sens qu'on prend, c'est qu'il a voulu dire des choses qui sont du kufr. Et on pourrait trouver cette situation si jamais, pour me protéger du mal des chrétiens, si jamais les chrétiens devenaient des gens qui oppriment tous ceux qui ne sont pas chrétiens, par exemple, et que je n'ai aucun moyen de quitter ce pays, et que je me rase complètement ma barbe, et que je mets des vêtements sur lesquels, par exemple, je sais pas, des t-shirts ou des choses où il y a écrit j'aime Jésus, ou bien Jésus reviendra, ou des choses comme ça. Tant que je ne mets pas une croix ou des choses comme ça, parce que ceci est quelque chose de... La croix est un signe clair de shirk, d'accord ? Nous désavons la croix, mais nous ne désavons pas Jésus, et nous aimons Jésus, et nous croyons qu'il reviendra, d'accord ? Donc si je mets ça, c'est pas du shirk. Si je dis, si je crie dans la rue, Jésus reviendra, j'aime Jésus, ben, on peut dire ce que vous voulez, je n'ai pas dit du shirk, je n'ai pas dit du kufr. Mais la première chose qu'on va croire ici dans un pays chrétien, c'est que je suis un chrétien fou de, qui est à fond dans l'adoration de Jésus, d'accord ? Ça, ce qu'il y a juste, c'est que c'est en fonction du contexte, on pourrait croire qu'il veut dire ça. Mais ce sont des paroles qui ne sont pas claires, c'est ce qu'on appelle des ma'arid. D'accord ? Et ces choses-là, même par exemple pour la plaisanterie, quand le prophète alayhi salatu wasalam plaisantait, il lui arrivait d'utiliser des choses qui sont des plaisanteries, c'est-à-dire il disait des choses vraies, mais il le disait de telle manière qu'on le comprenne autrement. Par exemple, quand la vieille dame était venue lui dire est-ce que je rentrerai au paradis, et le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit il n'y a pas, aucune vieille ne rentrera au paradis. Et donc la vieille elle a cru qu'elle était perdue, et puis le prophète lui a dit parce que quand tu rentreras au paradis tu seras jeune. Donc voyez, donc c'est des choses qui, c'est le fait de dire une chose qu'on a l'air de la même façon, mais voilà, le fait de dire des ma'arid dans le haq. Et certains ulama permettent de faire du al-kazib al-mahd, donc le mensonge pur, en cas de djihad ou en cas de daroura. Le fait de faire des ma'arid ou des choses qui sont totalement, ou même le fait de dire un mensonge complètement, c'est permis en cas de daroura ou de djihad. Pour revenir à la signature, oui, effectivement, la signature n'a pas de double sens, d'accord. Maintenant, moi, je demande à Abu Mus'ab, si jamais, au lieu de, dans la signature, j'écris, j'écris, par exemple, si je l'écris comme ça, si j'écris ça, en bas du contrat, mais écrit de cette manière-là, est-ce que la personne, elle va croire que j'ai accepté le contrat? Est-ce que ça va être considéré comme une acceptation de ma part de ce contrat? Si j'écris je refuse tout ce contrat, non, ça va être flagrant, d'accord? Maintenant, si jamais au lieu d'écrire je refuse tout ce contrat comme ça, mais je l'écris en italique avec une sorte de soulignement en dessous. Non, c'est pas une signature, évidemment. Mais si jamais moi je l'écris exactement cette phrase-là, mais de telle manière qu'on a l'impression que c'est une signature. La forme, tu vois, j'écris les lettres en italique avec en dessous un soulignement, etc. Et que la personne, ben, elle va pas se mettre à analyser qu'est-ce que j'ai écrit là. Il voit une sorte de kraboucha, lui, il calcule pas, il croit que j'ai signé. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de faire ça en cas de nécessité? Puisque j'ai clairement exprimé que je suis pas d'accord avec ce contrat. Mais lui, il a cru que j'avais dit le contraire. C'est exactement la même chose. Quand ce compagnon Mohammed ibn Maslama est arrivé, il leur a fait croire qu'il avait quitté l'islam. Ils l'ont cru, d'accord. Mais lui, il n'a rien dit qui prouvait qu'il a quitté l'islam, d'accord. Donc, ce que moi je vois comme étant le fait de le signer en arabe, ça j'ai une hésitation. Mais je me dis au pire, tu l'écris en arabe et en français, et tu le masses dans, tu peux arriver à faire quelque chose, d'accord. Oui, ben pour eux on a accepté, mais c'est la même chose. Les mushrikoun, Mohammed ibn Maslama, il était apostat, il avait quitté l'islam. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ce qu'il a fait, c'est une preuve claire que il a, est-ce que ce qu'il a fait seul, est-ce que c'est une preuve claire qu'il a apostasié? C'est ça la question, d'accord. Si jamais il te demande de dire lu et approuvé, si jamais tu arrives à dire lu et comme l'a dit Salah, lu et approuvé, par exemple, ou lu et désapprouvé, ou des choses comme ça, essaye de trouver des solutions, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, moi, je veux pas non plus rendre les choses faciles et on va aller chercher. Moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est en cas de nécessité, d'accord. Lorsque vraiment, c'est le seul moyen, par exemple, si on peut pas trouver un appartement et signer un contrat de bail sans avoir à passer par là, ou sinon on vit dans la rue et des choses comme ça. Si ça, c'est pas une nécessité, mais à ce moment-là, moi, je considère que ça, ce n'est pas une signature et ce n'est pas une expression d'acceptation, de satisfaction du contrat. Quand on fait ça, on ne montre pas qu'on est d'accord avec le contrat. Pour moi, on n'a pas exprimé. Et après, Allahu a'lam. rien que de rester et écouter les lois du kouf, c'est du kouf. Kufre, si jamais tu ne montres aucun signe ou que tu exprimes quelque chose qui fait que tu acceptes. D'accord ? Par exemple, le type, il me lit toutes ses lois. Regarde. Le type, il me cite toutes les lois du contrat et il me demande est-ce que tu es d'accord avec tout ça ? Et moi, je réponds je suis d'accord avec tout ce qui est d'accord, tout ce qui est légal. Je dis tout ce qui est légal, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu penses de si jamais je dis une chose pareille ? Bah, t'es d'accord avec moi que quand je dis légal, ça peut dire légal pour la charia, d'accord ? Légal, ça veut dire charia en arabe. Pour dire légal en arabe, on dit charia. Est-ce que en disant ça, j'ai. Tu vois ? Et le fait de. Le fait de dire au nom de la loi, nous vous marions. Par exemple, le fait de dire au nom de la loi française, nous vous marions. Le terme au nom de la loi en soi aussi, ce n'est pas un terme qui. Ça signifie quoi au nom de la loi ? Le fait de dire je vous marie au nom de la loi, ça veut dire quoi ? Non, mais je demande pas si c'est administratif. Je demande qu'est-ce que ça signifie. Ça veut dire quoi au nom de la loi ? Si jamais au nom de la loi, ça signifie votre mariage est reconnu par notre loi, ou bien notre loi reconnaît votre mariage. Le fait que les mécréants reconnaissent notre mariage, c'est pas du kufr. Et le fait qu'un mécréant te dit notre loi reconnaît ton mariage, c'est pas du kufr. Mais par contre, si jamais au nom de la loi signifie c'est grâce à notre loi que votre mariage est valide, et sans notre loi, votre mariage il n'est pas valide, ça c'est du kufr. Mais si jamais on considère qu'au nom de la loi est un terme qui est aussi à double sens, le fait de le laisser dire au nom de la loi je vous marie, tout comme s'il vient et te dit au nom de la loi je vous arrête, je ne sais pas si c'est un terme qui a une signification claire. Maintenant, moi personnellement, je ne sais, tout ça, ça dépend évidemment. C'est comme j'ai dit, ça dépend de ce que signifient vraiment ces mots. D'accord ? Il faudrait vraiment vérifier est-ce que ces mots-là peuvent vraiment avoir quels sont les sens exactement de ces mots. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que lorsqu'on sort quelqu'un de l'islam, cela doit être pour une chose qui est claire et certaine, et pas pour quelque chose de probable ou de confus. On ne sort pas quelqu'un d'islam pour avoir dit une chose qui peut être comprise de deux manières. Allahu Allahu a'lam. Je comprends pas, assalamu alaikum, c'est quoi ta question ? Je connais aucun hadith qui dise de respecter les lois du pays. Si jamais tu veux dire par respecter les lois du pays, c'est-à-dire ne pas s'opposer, ne pas combattre les gens qui se trouvent dans ton pays, non, mais c'est vrai que quand on est dans un pays de mécréants, il ne nous est pas ordonné de tout casser ou des choses comme ça, d'accord. Mais le fait de dire je suis d'accord avec les lois du pays tant que ça ne change pas la religion, c'est du shirk. Les lois du pays, même si elles ne sont pas en accord avec la religion, ce sont des taroutes. Même si jamais la loi du pays correspond sous la forme et sous l'aspect à la loi d'Allah, imaginons qu'en France on trancherait la main au nom de la République, cette loi serait un tahout parce que c'est la loi de la République. D'accord ? Sabah 83.2, c'est comme j'ai dit, tout ça, ça dépend. Moi, je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais pas exactement comment ça se passe. Tout dépend de savoir comment ça se passe. Et salam alaikum. Si jamais s'il est confirmé qu'on ne peut avoir d'assurance qu'en faisant du shirk et qu'il n'est pas possible de contourner cela, c'est interdit de prendre une assurance. D'accord ? Inch'Allah, pour le sujet des articles de loi, etc., on en reparlera une autre fois, parce que comme on a pris beaucoup de temps pour ces questions-réponses, je ne saurais pas continuer le cours aujourd'hui, parce que vers 19h, je n'ai plus vraiment la possibilité de parler au micro, d'accord, parce qu'il y a du bruit dans mon salon, il y a ma mère qui rentre, etc., d'accord. Ensuite, pour la question de la signature, c'est vraiment à vous de voir vers quoi votre cœur se sent rassuré, d'accord. Moi, en tout cas, personnellement, j'avais à ce moment-là interrogé Cheikh Abu Mariam à ce sujet. J'ai la fatwa toujours dans mon ordinateur. Pour le Cheikh, c'est halal, c'est permis en cas de nécessité. Mais le Cheikh souligna quand même que il faut absolument éviter toutes ces choses. Il faut vraiment s'écarter de toutes ces choses-là au maximum. Il y a un autre shir que je ne connais pas, mais qu'un frère que je connais avait été interrogé, il a posé la même question que moi. Et un shir, je ne sais pas exactement c'est qui, je crois qu'il était en Égypte, mais je ne sais pas, et qui avait approuvé cet avis aussi. D'accord, mais je ne sais plus exactement c'est qui, je ne sais même pas son nom, je ne sais pas, mais donc ce n'est pas vraiment, ce ne peut pas vraiment, c'est clair que vous ne pouvez pas vous fier à cet avis là, d'accord. Et puis personnellement, Abu Mus'ab, aujourd'hui je ne sais plus très bien à quel shir me référer, je ne sais plus vraiment à quel shir faire confiance. Le seul qui reste encore crédible pour moi et respectable, c'est Cheikh Abu Mariam. C'est le seul Cheikh que j'ai dans mes contacts pour qui j'ai du respect et que je considère comme étant quelqu'un de Ahl Sunnah. Donc évidemment, je ne peux pas rapporter, vu que c'est une chose tout à fait nouvelle, ce genre de choses. Je connais pas. Oui, mais Cheikh Al-Runayman, je n'ai aucun lien avec lui, je n'ai aucun contact avec lui. Même s'il a changé sur certains points, Abu Mus'ab, sa aqida reste majoritairement correcte de ce que je vois. Alaykoum salam wa rahmatullah. Émir 74 nous dit: Mokhlif rend kafir celui qui rend pas kafir un tel, ça fait comme une roue, ça s'arrête plus. Au contraire, Mokhlif justement a récemment été, donc comme vous le savez, jugé mécréant par une grosse partie de ceux qui écoutaient ses cours sur Paltalk, justement parce qu'il ne faisait pas le takfir en roue, comme tu dis. Et le Cheikh a écrit un texte justement où il a expliqué pourquoi il ne le fait pas. D'accord. J'ai dit oui, le tasalsoul, c'est ça. Hansala ala tawhid. Tu me dis, Akhi, déjà, j'étais pas là tout à l'heure. Tu as dit quoi à propos de celui qui va voir les prud'hommes? J'ai dit que de ce que je connais au sujet du prud'homme, c'est que la première étape au prud'homme, c'est la conciliation, et que le fait d'aller à cette conciliation, c'est pas du tahakum. Si ce qui se passe dans cette conciliation, c'est réellement une conciliation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas rien n'est imposé, que c'est quelque chose à l'amiable, que c'est essayer de trouver une solution entre les deux qui arrange tout le monde, c'est pas un tahakum. Mais comme j'ai dit, le gros danger, c'est que si la conciliation n'aboutit pas, cela passe automatiquement à un tahakum. Et donc il y a un gros danger en faisant ça. D'accord ? Oui, je suis sûr pour le prud'homme. Ça, je suis sûr que la première phase, c'est la conciliation. Inch'Allah, je crois que j'ai la référence ici. Mais je vais te dire ça tout de suite, Inch'Allah. Le prud'homme. Donc, dans le code du travail français de païen et tarotique, il est stipulé que le conseil du prud'homme règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qui les emploient. Il juge les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti. Donc, il juge uniquement lorsque la conciliation n'aboutit pas. D'accord ? Non, le sulh n'est pas basé sur des lois. Le sulh, c'est essayer de faire un arrangement à l'amiable entre les deux personnes. C'est sans se référer à des lois. Genre, les deux personnes, ils se disputent. Genre, un tel, il me doit autant d'argent, et l'autre, il me doit autant d'argent. Et ben, genre, tu dis, bon, ben, qu'est-ce que tu penses si jamais, par exemple, vous trouvez une solution, genre, toi, lui, il te doit ça, ou lui, il te doit ça, et des choses comme ça, d'accord? Et c'est sans dire, bon, de ce que vous me dites, le jugement, ce serait, bon, d'après les faits d'un tel et d'après les faits d'un tel, je considère que celui qui est en tort, c'est celui-là, et celui qui est en tort, c'est celui-là, et voilà, je condamne un tel à devoir payer autant. Ça, c'est un hukm. Mais le sulh, c'est le fait, donc, de prendre les deux parties et de leur trouver une solution à l'amiable. Si c'est ça qui se passe au prud'homme lors de la conciliation, je ne vois rien dans le Coran et la Sunna qui me prouve que ce soit du shirk. Voilà, je vais devoir laisser le micro pour l'instant, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.